appelle entrée. Reversing Falls et This Is Why sur leur album Reversing Falls 2. En passant, Reversing Falls, c'est un groupe de Montréal, c'est du noise pop avec Tyler Crawford, Jesse Ash, Charlie Newfield et Jimmy Thompson. Reversingfalls.bandcamp.com et aussi, c'est le nom des Chutes Réversibles en français, une série de rapides sur le fleuve Saint-Jean, près de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, là où le fleuve se jette dans la baie de Fundy à travers une gorge étroite dans le centre de la ville. Ah, oh, c'est fou ce qu'on apprend. Mais ça. Et tout juste avant ça, eh bien, on avait entendu Fait faillite des Hôtesses d'Hilaire de l'album Touche-moi pas là, qui est la nouvelle entrée du côté francophone en 20e position. Et moi, je me demande pourquoi le chanteur des Hôtesses d'Hilaire parle aux gens, aux vous, puis que le refrain, c'est fait faillite. Ouais, c'est fait, pas fait. Ça devrait être fait faillite. Mais ouais. Soyez conséquents, les gars des Hôtesses d'Hilaire. T'sais. C'est fou, hein? En tout cas. Il nous reste encore trois nouvelles entrées, donc on va sauter par-dessus la jeune Marie-Pierre Achure et sa pièce Cachée l'hiver, mm-hmm. Qui se fait vieille, elle. Ben oui. 8 semaines. 8 semaines. Déjà. Déjà. C'est fou? Oui, déjà. Donc, on va entendre dans ce bloc-là The Paper Kites et ainsi que Young Rival en anglophone. Mais tout juste avant ça, on va entendre Ariane Dita avec sa nouvelle entrée en 19e position, Émile Néligan. On a écouté ce matin à Assemblage non, Rocky. Non, je sais, on a écouté l'ancienne. Oui, on a entendu l'ancienne qui était Soyons Sauvages. Oui. Qui n'est plus au palmarès cette semaine. On va l'entendre à Palmers in Peace tantôt. Et voilà. C'est ce que ça veut dire. Ouais. Et voici son nouvel extrait. Émile Néligan. Au palmarès, c'est fou. 89 FM. Chez elle, on se retrouvera dans ta ruelle.

took the razor in my head. Now I could draw a line or I could cut my hair, but it don't change the way I am. Cause I'm a part of the world I live in now. Only set apart from the world I live in now. Ghost of a renegade. C'était Young Rival et Interior Light sur leur plus récent album qui s'appelle aussi Interior Light. C'est un groupe de indie rock canadien d'Hamilton en Ontario. Tout juste avant ça, on a entendu Ariane Zita avec Émile Néligan, ce cher poète québécois que l'on connaît depuis, mon Dieu, plusieurs années. Mm-hmm. C'est donc lui qui a écrit « Mon cœur est un jardin de givre, ouais. givre. » Je m'excuse, j'ai dit qu'on venait d'entendre Young Rival, c'était plutôt The Paper Kites qu'on a entendu avec leur extrait Renegade. C'était avant qu'on avait entendu Young Rival, mais mes instructions, mes informations s'appliquent quand même. Hein? Quand même. C'est ça. Deux belles nouvelles entrées du côté anglophone. Hein? Très bon. Très excellent. Ça en fait au total 3 en anglo et 2 en franco. On aime ça avoir de la nouveauté, mais quand on accueille des nouvelles pièces comme 5 ce coup-ci, ça veut dire qu'on doit dire au revoir à 5 autres. Oui, je sais, c'est triste. Triste. C'est Palmer, rest in peace. Just mountains of change. What's gonna happen to you? Voici les pièces qu'ils ont quittées depuis les précédents palmarès. C'est qu'un nouveau cellulaire. Red, et ce sera les pièces qui ont quitté les palmarès depuis l'édition du 11 au 17 janvier 2016. La première qu'on a entendue, eh bien oui, c'est Ariane Zita avec la pièce qu'on aime tant, Soyons sauvages, qui est restée au palmarès pendant plus de 7 semaines. Les hôtesses d'hier se sont envolées avec Regarde-moi qui a duré 8 semaines. Qui c'est que tu n'as Je t'ai fait ça juste pour toi, la petite J'en doute même pas, ouais. Parce qu'il faut le dire. C'est une chanson qui est restée longtemps au palmarès et dès la première fois qu'on a entendu cette chanson-là, on a comme été traumatisés. Vraiment, le petit bout, ça se met à crier. Là. C'est bien le fun, mais je trouvais que c'était pas représentatif de la chanson, donc j'ai juste mis ce bout-là et le reste, le refrain. Là, c'est correct, parce que c'était le bout qu'on connaissait par cœur et qu'on aimait tant. Troisième, les Matadors avec Shake Your Fornicator, qui malheureusement est resté au palmarès simplement 3 semaines. Absolument. The Paper Kites, je referais encore le même jeu de mots de « ils se sont envolés comme les hôtesses d'hiver », mais à la place, je veux dire, ils ont pogné un choc. Oui. Avec Electric Indigo qui a duré 8 semaines aussi. C'est une très belle pièce aussi, oui, si je me souviens bien. Et New Order avec Restless qu'on a entendu ce matin dans l'émission. Hier. Cette semaine, en tout cas. Elle est restée pendant plus de 9 semaines au palmarès. On perd des gros blocs, là. Ouais, beaucoup. Regarde-moi, Restless, Electric Indigo et Soyons sauvages, des pièces qui ont duré 7, 8 et 9 semaines. On va s'ennuyer de celles-là, mais la plupart ont fait un retour de toute façon. Donc, on va continuer de les entendre juste avec d'autres chansons. Hein. Et ça va être le fun de savoir s'il y en a d'autres, en fait, qui vont rester aussi longtemps dans les nouvelles entrées. Voilà, j'ai des doutes. Alors voilà pour Palmarès in Peace. On fait ça en début d'émission, juste après les nouvelles entrées en première heure des Palmarès C'est fou. Maintenant, ça veut dire qu'on doit sauter par-dessus 3 pièces en francophone. On va sauter par-dessus les 18, 17 et 16. Oui, donc on saute par-dessus Cacher l'hiver de Marie-Pierre Arthur. On saute aussi par-dessus la 17e, comme tu le disais, qui est Rien ne saigne comme un pouce des revenants. La semaine dernière, ils étaient en 14e position. Et la 16e position, qui la semaine dernière était en 15e, C'est mon corps est une planète de ponctuation. Donc on saute ces 3-là du côté francophone. Et les 3 sont là depuis longtemps, 7 et 8 semaines. Donc ça va être bientôt sur sa fin, cette histoire-là. De mon côté, on va les entendre les deux. Donc, on était rendu aux positions 17 et 16. Plus tard, il y aura Uburu avec Cosmic Cannibalism, mais on commence en 17e place. Voici The Town Heroes et Constellations au palmarès C'est fou! Au 89 FM. I fell in love with a new constellation on the shores of Dunvegan. I watch the sun as it set on the west side. Heard a story I needed to hear. Found the things that I needed to find. Felt the flesh vous êtes assis. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. 16. Formation Uburu et la pièce Cosmic Cannibalism monte de 3 places. C'est une nouvelle entrée la semaine passée, donc ça monte de 3 sur l'album Swamp Ritual. On a aussi entendu The Towny Rose avec Constellation qui la semaine passée était en 20e position. C'était une nouvelle entrée. Maintenant, c'est en 17e. Absolument, Tania. C'est des palmarès assez fous. On écoute les 40 meilleures pièces de la semaine. Ben oui. Alors, on s'amuse. On s'amuse. Fort. Wow! T'amuses-tu, toi, présentement? Pas trop. C'est juste correct. T'sais. OK. Juste correct. Bien assez. T'sais. Ouais, ouais, c'est ça. On a beaucoup de pièces hivernales, comme à chaque semaine, je trouve. C'est vrai. Puis la prochaine qu'on va entendre, elle s'entend bien lorsqu'il neige, parce que c'est comme ça qu'on l'a entendu la première fois. On la passe aussi le matin, tôt dans l'émission du matin. Elle relaxe pas mal. Elle relaxe. Du côté francophone, c'était la 19e position la semaine dernière. Cette semaine, elle est en 15e. C'est La Brume de Renard Blanc. Mm-hmm. De mon côté, on va sauter par-dessus Kurt Vile avec Pretty Pin Pin qui est stable en 15e place. Et on va entendre la 14e position francophone qui, la semaine dernière, était la 18e. C'est Les Enseignes au Néon de La Valérie. La... Si on se souvient, oui. La Valérie. Il y en a plusieurs, mais c'est La Valérie. On va aussi sauter de mon côté la 14e anglophone, c'est-à-dire I Always Get What I Want de Muslim sur l'album Believe I'm Going Down. Mais comme tu l'as dit, on écoute les 15 et 14 franco en commençant par Renard Blanc. Tout de suite, au premier c'est fou. Avec la brume. Wouhou! Yeah. 14. Je pensais pas ce soir-là me laisser enivrer par tes mots. J'avais déjà la tête remplie de tracas. La Valérie, et la pièce Les Enseignes au Néon, 14e position francophone, ça monte de 4, c'était nouveau la semaine passée. Et tout juste avant ça, on a entendu la 15e position francophone aussi, La Brume de Renard Blanc, qui la semaine dernière était en 19e position. Est-ce que t'essayais d'éternuer, de tousser ou de sentir ton flore parce que tu trouves que tu sens bon? Tu veux pas savoir ce que j'en allais faire, honnêtement. Je veux vraiment savoir. Je m'en allais avoir un rapport dans le micro. Ok. Je pensais que tu regardais genre si tu sentais du tout de bras ou quelque chose. Ah, mais non, mon parfum, il sent bon. Bon. Il sent le burgundy. Tu vois, je savais que tu trouvais que tu sentais bon. Je suis sûr. J'ai un gros égo comme ça. C'est ça. Position numéro 13 du côté anglophone, ce sera Destroyer avec Girl in a Sling. On aime ça l'entendre, même si elle est vieille cette semaine. Elle est stable et elle bouge vraiment pas. Elle va finir par partir un jour, mais pendant qu'elle est là, on veut l'entendre le plus possible. Oui, c'est vrai. Ouais. Et du côté francophone, eh bien, la 13e position cette semaine, c'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Elle était en 20e position. C'est Mes Amis au Pakistan sur l'album High Apotheose et c'est la pièce Muffin Top. Dans les palmarès, c'est vous! Au 89 FM. Je sais pas.

C'était Ingrid Saint-Pierre avec Tokyo Jelly Bean en position numéro 12, francophone qui monte d'une place. Tout juste avant ça, on a entendu Muffin Top de mes amis au Pakistan qui était la 13e francophone. T'as des amis qui font la musique bizarre? Ouais. Musique, chanson excellente si c'était pas du grichage. Oh. Pendant un bout, il y a du grichage, on a l'impression que la radio c'est vrai, est pas hein? Sur le boss, n'importe quoi. Mais bon. Donc on saute par-dessus les positions numéro 12 et 11 en anglophone, donc Yukon Blonde et Como, et à 11e stable The Motor League avec The Boards. En franco, on saute par-dessus la 11e. Et du côté francophone, on va entendre Mehdi Cayenne. Non, on saute la 11e. Ah, on saute la 11e, excuse. Ça veut dire qu'on va à 10e. Ça veut dire qu'on prend une pause pour l'heure. On prend une pause pour l'heure. Suivez pas à vous le. Là, j'essayais de comprendre ce qui est écrit sur ma feuille. Vous êtes assez. 89.1. Bon, c'est la deuxième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 18 au 24 février. Janvier, pardon, 2016, Tania Gaudin. Avec Mathieu Plante. Je peux bien te dire tantôt, je t'ai blâmé de ne pas avoir suivi mes instructions, hein? Mais je venais juste de faire comme une cacophonie d'erreurs pendant le bloc avec Girl in the Sling. J'ai mis deux fois le même numéro, puis j'ai mis deux fois la même chanson. C'est correct. Chacun ses erreurs. Ben oui, voilà. Ça prouve qu'on est humain, Tania Baudin. Ben oui. Ah oui. Donc, c'est la portion top 10 de l'émission. On va commencer par les positions numéro 10. Quel drôle de hasard. Du côté anglophone, ça descend de 4 places. C'est The Noble Thieves avec How Can You Think of Love at a Time Like This. Et du côté francophone, eh bien, la semaine dernière, c'était en 3e position. Quand même, on descend de 7 places pour Athéna avec Prends mon temps. Attention, ça crie. Bon, pas mal, c'est fou. 89.1. Compléter aucune larme, aucune volonté à faire valoir. in the back seat. Angel laid stuff, but me faced her. In position, get it stuck to creep. Je ne sais rien en sursis. cause it just feels good being in your arms. And I'm running with you as fast as I can, singing to myself, I wanna hold your hand. We're going downtown. Cause we feel like running around. Is it really this fun when you're on my mind? Is it really this cool to be in your life? There's one thing I'll do if it ever goes wrong. I'll write you into all of my songs. Suddenly I die, I hope they will say that he was obsessed and it was okay. Cause we're going downtown. Running around. Is it really this fun when you're on my mind? Is it really this cool to be in your life? And I'm going crazy. I'm going crazy, crazy for you. I'm going crazy, crazy for you. I'm going crazy, crazy for you. Magical Clouds, Downtown, stable en 9e place anglophone. On a aussi entendu Athéna avec Prends mon temps. Et on a-tu entendu? Je pense que oui. Hein? On vient ben avant ça, c'était Baden-Baden. Oui. Voilà. C'est ça. Baden-Baden avec Hiver. Avant ça, il y avait The Noble Thieves en 10e anglophone avec une pièce qui descend de 4 places. How can you think of love at a time like this? Et on a commencé ce bloc-là avec Athéna et Prends mon temps en 10e francophone. Bien dit, Tania. Bien dit. On s'est rattrapé dans ce bloc-là. On s'est. Hey, on est perdu hein, aujourd'hui. Ça n'a aucun bon sens. Faut tout le temps blâmer quelque chose. Des fois, on peut ou blâmer. Ou quelqu'un. Avec un pluriel masculin ou féminin dépendant et du voilà. Bord. C'est ça. Ça dépend d'où tu viens. Ça dépend de ta région natale. Et voilà. Prochain numéro 8 du compteur anglophone, on entend Dilly Dally tantôt avec Purple Rage qui descend de 4 places, mais qui est là depuis 8 semaines. Donc vraiment, là, ça a oscillé de haut en bas. Et du côté francophone, eh bien, ça l'a monté. On continue de monter pour Philippe Braque avec Héroïne, qui est la 8e francophone. Brap, brap. Clairière est encore là. Brap, brap. Se fait pleine jusqu'au bout de mes doigts. Les pneus gris, pis les prêts de sac de pommes enlevés au Christ, une couche de knock. Le tartare sans la pisse, c'est qu'il se défend humblement contre les chats qui l'assaillissent. Les poubelles ont des oreilles, de la compassion et une écoute formidable. Et la neige qui fond laisse renaître les botches d'autrefois. Nostalgie, je suis chez moi. coin que tu me blottiras dans tes seins. Comme la mère animale qui traîne encore son monde. Et nous n'oserons plus regarder les cratères dans nos bras. Et le chant de nos aiguilles coulera au rythme du sang de leurs églises. Et le chant de nos aiguilles coulera au rythme du sang de leurs églises. Purple Rage, 8e position anglophone, ça descend de 4 places. Et du côté francophone, eh bien, on a entendu Héroïne de Philippe Brac qui avait monté d'une place. On est rendu à peu près à la moitié de l'émission. Dans quelques instants, la moitié de l'émission, ça veut dire qu'il va y avoir C'était fou dans quelques moments. On a quand même le temps d'entendre pour l'instant. C'est les positions numéro 7. Voilà, du côté anglophone, on va se chasser un petit peu de Deer Hunter avec Snake Skin qui monte d'une place. Et du côté francophone, eh bien, on va entendre Faudrait faire la vaisselle de l'album French, ouais, French et des goûts à Amos avec la pièce Lâche ta job. Ben, c'est un bon point, ça. Je suis allé voir leur pochette d'album. French et des goûts à Amos. On dirait French au pluriel. Ben, c'est French au pluriel. Ah, je savais même pas. Ben oui, sauf que à la place de l'écrire French avec un S, ils l'ont mis en anglais comme Frenches. Comme en anglais, on conjugue en anglais. Des fois, tu te demandes est-ce que je conjugue en français ou en anglais. C'est ça, hein, c'est là, il y a confusion. Il y a très grosse confusion, je dois l'avouer. Les artistes québécois, souvent, hein. Souvent vont rendre la chose confuse. Confuse. Confuse. Genre.

Deer Hunter et la pièce Snakes qui est dans 7e place anglophone, ça monte de une. Et du côté francophone, eh bien, on a entendu Lâche ta job, faudrait faire la vaisselle. Hein, mais sans qu'on a entendu ça, toi. Mais ouais. Lâche ta job, quand? Demain! Non, pas là, ils disent demain. Ok, demain. Là, c'est trop tôt. Ok. Après demain, trop tard. Oui, c'est vrai. C'est demain. Demain. Il nous reste les 6e places à entendre dans cette heure et je pense qu'on va y aller tout de suite avec ça. Et juste après, ce sera le bloc C'était fou. On va retourner en, je crois, 2007 aujourd'hui. 2007, c'est bien 2007. Ça? En janvier 2007. Écoutons en anglophone Matrix avec l'ancien numéro 1, Lie, Lie, Lie. Ça veut dire qu'on a un nouveau numéro 1 du côté anglo. Et du côté francophone, eh bien, la semaine dernière, elle était en 2e position. Cette semaine, 6e. C'est Dans les nues de Maud Audet. Hashtag Maud Audet. C'est des palmarès c'est fou. Hashtag des palmarès c'est fou. Au 89 FM. Hashtag c'est fou 89 FM. Et voilà. Of your magazine. Hey, hey.

avec Contre les corps, pièce-titre de leur album, donc du même nom. En première position anglophone, c'était I'm a Robot, un de mes bands préférés. Vous savez, j'en parle tout le temps. On dirait qu'à chaque fois qu'on fait un C'était fou, il y a une chanson de I'm a Robot dedans. Donc la pièce Disconnect sur l'album Monument to the Masses. Et en bonus, j'ai choisi une pièce de DJ Ma Tante Frac. Check ça tourner sur l'album Une fille comme moi. Et DJ Ma Tante Frac, qu'on connaît maintenant sous le nom de Renard Frac, c'est lui, en fait, François Plourde, qui a composé la nouvelle version, une des nouvelles versions de la chanson thème d'Assemblage requis, que vous pouvez entendre en rotation du lundi au jeudi entre 7h30 et 9h30. Pour la portion avec une chanson différente. Là, à 6h30, on met l'ancienne originale. Donc, lundi au jeudi, en quelque part là-dedans, vous allez entendre Ma Tante Frac ou Renard Frac avec sa version remaniée. Voilà. C'était fou, on fait ça une fois de temps en temps au Palmarès C'est fou, souvent à deuxième heure. Maintenant qu'il nous reste encore un petit peu de temps et qu'on a terminé notre portion 10 à 6 des Palmarès, c'est le moment de retourner en arrière à des choses qu'on avait sautées. Et on a choisi de faire jouer les plus jeunes, donc les positions numéro 11. En anglophone, ce sera The Motor League avec The Boards. Et du côté francophone, la semaine dernière, c'était en 17e position. Si je me souviens bien, c'était une nouvelle entrée. C'est Pigeon Voyageur de Mehdi Cayenne. Colin, ça tombe-tu bien? C'est prêt à commencer à jouer, là. Comme bing bang, comme ça. Au bon, merci. Au 89 FM. Qui pousse, les yeux du temps qui passe. Prends-nous avouer à la fin de nos jours avoir manqué d'audace. La lueur de nos ardeurs, le soleil de nos amours, à quand le souvenir de notre éternel retour, retour. Que le quotidien nous égare, que le printemps se prépare. Ne sommes-nous pas seulement que des vaisseaux de peau qui écoutent le vent? Nos mots sont des sons qui vont loin, mais qui n'expliquent rien. Ainsi les poèmes meurent d'envie de se lever dans nos mains. Oui, valse à tout vent, que l'ici soit ailleurs. Que l'ici soit ailleurs. Les 11e places qu'on avait sautées plus tôt dans l'émission, on vient d'entendre The Motor League en anglophone avec The Boards. Et du côté francophone, eh bien, c'était Pigeon Voyageur de Mehdi Cayenne. C'est tout pour la deuxième heure. Il nous reste le tiers de l'émission, c'est-à-dire la portion top 5. On va savoir d'ici la fin si le numéro 1 est toujours en anglophone. Enfin, on sait déjà que ce n'est pas, mais Metric avec Lie, Lie, Lie. Et du côté francophone, on va essayer de savoir si c'est toujours Rosie Vallant avec Quebec City. On travaille fort pour vous. Très fort. Au palmarès, c'est fou, restez là. Vous avez le droit de savoir. Oui. Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait, assez fait, assez fait, assez fait. 80. C'est la troisième heure des palmarès. C'est fou pour la semaine du 18 au 24 janvier 2016. C'est les Tania Baudin. Avec Mathieu Blanc. Oh oui, il nous reste seulement une heure ensemble. Et donc, la crème de la semaine. La semaine de la crème. Ah, la semaine de la crème, ce serait le fun. Toutes les sortes de crèmes. Par une semaine. On pourrait essayer ça. Miam, miam, miam. Pour le numéro 5 de cette émission, c'est en anglophone David Bowie avec sa longue mais étrange et dépressive pièce Lazarus qui monte à la 18e place et qui était nouvelle la semaine passée. Et du côté francophone, eh bien, c'est Richard Desjardins du groupe Les Connards à l'Orange. Ah, ben cool. Oui. Hey, j'aime ça, ça, c'est bon, oui, ça. Oui. C'est comme le canard à l'orange, mais du connard. Mais de la crème. Mais de la crème. C'est bon, ça. Philosophe pour petit peuple asservi, aux idéalistes payés pour faire la morale. Maintenant Richard s'autorise comme son bossy. Tu devrais vraiment être Richard Desjardins. Tu devrais vraiment transformer le futile en véritable changement. Essaye un instant, essaye un instant. Ça serait intéressant. T'écrirais autre chose que des clichés de Gripsou. Tu ferais des chansons pis des films militants. Au lieu de faire semblant que tu sais tout sur tout. Tu devrais vraiment être Richard Desjardins. Tu devrais vraiment transformer le futile en véritable changement. Essaye un instant, essaye un instant. T'aurais de la compassion pour les Amérindiens. T'essaierais de faire quelque chose pour l'environnement. Assis tranquille à faire soit de l'argent, soit rien. C'est toi la vagante, c'est pas les étudiants. Vraiment transformer le futile en véritable changement. Essaye un instant, essaye un instant. Cinq. I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. David Bowie, Lazarus, 5e place, anglophone, ça monte la 18e, c'était nouveau la semaine passée, donc ça a franchi le 2/3 des palmarès. Ouh, Et du côté francophone, eh bien, c'était... J'essaie d'y aller au même beat. Oui, un suspense. Tu crées vraiment un engouement. Les gens te suivent, se pendent ouais, je sais, au bout de tes lèvres. Ça n'a pas de bon sens. C'était Richard Desjardins de Connor à l'orange. Alors, le fun en quatrième place, c'est Grimes avec Flesh Without Blood. Et là, je vous dis tout de suite, on va changer de numéro un du côté francophone. Oh là là. Parce que... Les gens t'aimaient jusque-là. Oui, je sais. Parce que la quatrième position francophone cette semaine, c'est Quebec City de Rosie Vallant. On parle assez fou. Qui ça va être? Hashtag. I... Ah, tu viens de briser la fête. Je suis désolée. Hashtag rabat-joie. Rabat-joie. J'avais... Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça. Moi, hein? Rabat-joie. Tu ne me prends rien quand tu me dis que la capitale te fait plus de mal que de bien. Je ne t'apprends rien quand je te dis que tes mains trop long, que tes mains étaient trop loin. Tu ne m'apprends rien quand tu me dis que je suis de trop. Souvent, je ne t'apprends rien quand je te dis que ta voix fait frissonner. Mais dis-le-moi sans mots. Mais dis-le-moi encore que tu rêves d'un matin où le soleil te réveille. Wow, Grimes et Flesh Without Blood, ça monte de la 7e à la 4e position anglophone. Et du côté francophone, eh bien, on vient de se rendre compte que ça n'allait pas être aussi valente cette semaine. Malheureusement, parce qu'elle est en 4e place cette semaine du côté francophone. Ah, triste. Très triste. On est rendu au 3e place, ça veut dire le top 3 déjà qui commence. Ouais. À un petit peu plus d'une demi-heure de la fin de l'émission. Ça va très bien, on va se rendre jusqu'au sommet, c'est certain. Alors, 3e anglophone, on retrouve King Gizzard and the Lizard Wizard avec son extrait Paper Mache Dream Balloon qui monte de 2 places. Et du côté francophone, eh bien, de l'album Mononcle Serge 2015, rien de moins, c'est bien évidemment Mononcle Serge avec l'Ebola à Saguenay. Et ça, ben, ça commence un petit peu comme une émission de radio. Oui, c'est vrai. De ligne d'écoute. Comment on appelle ça? De ligne d'appel. Téléphonique, comme on voulait faire ce matin. Comment on appelle ça, là? Il y a un mot pour ça. Ligne ouverte! C'est ça. Mon palmarès, c'est fou. 89.1 FM. On en fait tellement jamais qu'on sait même pas comment ça s'appelle. Las Vegas, los culos, las tetas, amor. Ebola, on s'en crie sa bime. Quand c'était rien que des Africains, noirs et pauvres qui en crevaient. Oh, je te dis qu'on s'en colissait. Mais là, il frappe à nos portes. Ça fait que tout le monde capote. Même dans la ville de Saguenay, la panique s'est installée. La populace en détresse grimpe tellement dans les rideaux. Contre un chapelet pis une messe, le maire tremble et prend le micro. Ce matin, on a eu une rencontre importante concernant le virus Ebola. Non. Tous les responsables de nos services... Six. On s'est parlé pour savoir est-ce qu'on est prêt. Prêt. Mais je peux vous dire qu'on est prêt à faire face à un problème comme celui-là. Non. Malgré le discours du maire, c'est psaume et c'est notre père. Le fléau gagne du terrain sur le territoire saguenéen. Les beaux là se traînent les bottes le long du boulevard Talbot. Ils rôdent autour des vitrines des commerces de la rue Racine. Ils s'invitent chez monsieur le maire pour tout fucker sa prière. Le maire en perd la raison, il met le feu à sa maison. Il vire les croix à l'envers, prête allégeance à Lucifer. Puis il s'en va incendier toutes les églises de Saguenay. Avec sa hache et sa drille, il entre à l'hôtel de ville et sacrifie au démon tous les conseillers de l'opposition. Quand finalement la police le prend en chasse et l'arrête, il crie 666, vive le numéro de la bête. Il va jusqu'en Cour suprême pour défendre son droit de crier Satan je t'aime partout et sur tous les toits. Oh, les mots-là sont bien pour lui. Oh, les voleurs s'en viennent pour toi! Oh, les voleurs! Oh, les voleurs! Jackson! Le drummer, oh, les voleurs! Le bassiste, oh, les voleurs! Le guitariste, oh, les voleurs! Même le chanteur, oh, les voleurs! Wouah! Vous êtes à 89.1. 3. So conventional. Lizard. The Lizard Wizard, Paper Mache Dream Balloon, extrêmement accrocheur et ça monte de deux places en anglophone en troisième place. Du côté francophone, eh bien, ça l'avait monté d'une place car la semaine dernière, il était en quatrième. Cette semaine, troisième. C'était Mon Oncle Serge avec l'Ebola Saguenay. Il est bizarre, lui. Ouais. Il est bizarre, mais il est le fun. Bizarre, ben oui. Le ben bon oui. genre de bizarre. Le bon genre de bizarre. On c'est bien dit, ça. Oui, le bon genre de bizarre. Nouveau slogan pour C'est fou, d'ailleurs. Le bon genre de bizarre. Le bon genre de bizarre. C'est fou. Hashtag le bon genre de bizarre. Hashtag. Numéro 2, je sais pas pourquoi aujourd'hui j'aime ça dire hashtag. Ouais, hein, j'ai comme remarqué. Il y a des jours comme ça où tu stiques sur quelque chose. C'est à cause de hashtag maudet. Ça doit être ça. Deuxième place en anglophone de Sheepdogs, les petits moutons chiens là, avec Bad Lieutenant, oui. Et ça monte de une. Du côté francophone, eh bien, on va rapper parce que c'est Dead Obies avec Away. Bidibop! Away! Bidibop! Bidibop! Alors, c'est vous! Bidibop! C'est ça que vous attendiez tout, ain't it? Coupe de gros mots, coupe de girls, coupe de moët. Coupe de haters qui se peuvent plus d'attendre pour hate. Mais c'est ben chill, Bridget, y'a pas un gros mec qui dégèle. Et puis that's it, on se cassera pas le PC. Brigitte, French frogs gon' rip it. Fête au Québec, dis tu veux pas make it, à moins que tu fake it. Fuck it, t'es une sorte de neck Champlain à remonter le Saint-Laurent. On est 6 d'un V6 qu'on ressent sur Saint-Laurent. Le temps c'est vous de donner des boîtes, it's really good. Traite de chance et si t'es peur et t'es guédé, my way. Ça fait que je rampe énormément sur ma rideau rapide blanc. Ce qu'a dit à moi comment tu... Check, life's a bitch when you look at that. Many cocks in there, j'l'appelle baby double dutch. Front, dis-moi les Hawaii à gauche. Ou ben non, sac ma flip pis joue-moi de la musique à bouche. Shut the fuck, scotch, take mon affiche up. Get it up there, boy, fais comme dans un snap and chuck. Hawaii jump up dans le tour bus. Bébé, j'ajoute la tour, nos ballons, j'en retourne au Starbucks. Living on a road, booty naked dans un car wash. So fresh, so clean, bitch, ta cousine était starstruck. Ça fait qu'on frappe le hit parade. On célèbre ça avec une bague pis une douche de Gatorade. Homie, got the juice, we be sippin' Tanqueray. Cause every day my birthday, hip hip hip parade. Fuck he meant on pain no dose. Pain cold, hard bargain for you to understand. Dogs. La pièce Battle Talent, c'est la deuxième position en anglophone, ça monte d'une place. La deuxième francophone, elle a monté de 8 places depuis la semaine dernière. C'était Away de Dead Obies en deuxième position. On est pareil. On est pareil comme Dead Obies. Pareil, on pourrait faire le remix. Hey, un remix de mal. Mais voyons. Ben voyons donc voir qu'on ferait ça un remix de mal. Pas ça. Parce que ça, ça n'arrive qu'au printemps. La mare, tu sais, tu comprends, en dessous de la neige. Ouais, là, en ce moment, on est dans la neige. Ouais. On n'est pas encore dans le kika. Okay, on n'est pas encore rendu là. Non. Les chiens font leurs besoins par-dessus la neige. Tout va très, très bien. Ça s'empile un par-dessus l'autre. Il n'y en a pas de problème. C'est comme ça que ça fonctionne. J'ai vu dans la réalité, je suis lucide. Je suis capable de faire la part des choses. Je suis lucide, que ce soit maintenant ou après ma mort. Mm-hmm. Je resterai lucide parce que je suis ce que je suis. Eh oh, eh oh. Tout à fait. Eh oh, eh oh. Je vous explique les jeux de mots à Mathieu. J'ai fait ça, là, inaperçu, incognito, bien dans ma peau. Bon, si on n'est pas dans le kikière. Le kikière? C'est parce que on est dans la neige. De l'artiste Le Husky. De l'album Single. Donc, tu es célibataire. En effet, en français, on dit un simple. J'aimerais si, à chaque fois, dorénavant, qu'un single sort, on va appeler ça un célibataire. Mais ben, c'est ça. Moi, j'ai toujours appelé les tranches de fromage Kraft des célibataires de Kraft. Pour vrai? Je te jure! Ben, ça veut dire... C'est quoi, ça veut dire donc? Simple! Simple! Mais ça veut en à effet, l'unité, comme... Oui, vente interdite à l'unité parce que le code barre n'est pas imprimé pour ça. Ben, moi, j'aime mieux célibataire. Moi aussi. Puis en plus, c'est du... De la firme indépendante. Hey, hein? La firme indépendante. Célibataire indépendant. C'est le même, ça se passe du côté francophone. J'avoue que c'est pas mal plus beau en anglais qu'en français. Single and independent. Ouais, moi aussi, je trouve, mais bon. Et du côté francophone, eh bien, c'est EO de Lucid Afterlife. Donc, tu es lucide même après la mort de l'album I Am, Je Suis, Donc Je Suis. Hey, on fait une belle équipe, hein? Hey, c'est fou. Au moins, je suis capable de comprendre. Ben, c'est ça. C'est pas des jeux de mots trop tirés par les cheveux. Non, surtout non. Que je lis pas avant. Fait que c'est bien. C'est ce qui me vient en tête, c'est ça. Bref, là, ce qui est dans la neige, ça commence à l'instant. On parlera assez fou. 89 FM. Ouh. Oh. Thank you. les positions numéro 1. Est-ce que c'était les positions numéro 1? Oui! T'es un peu, je suis pas sûr que ce l'était vraiment. Je pense que ce l'était peut-être pas. C'est un peu, je regarde mes affaires. Je pense que non. Je pense que j'ai perdu le CD de Lucid Afterlife, en fait. Je pense qu'il était pas dans mon rack, c'est pour ça que j'ai laissé celui-là, il était pas là. Alors, on va la faire jouer là mais dans quelques instants, il va falloir que tu me donnes un petit peu de temps. Ben oui, il n'y a pas de problème, on va te donner tout le temps qu'il faut, parce que Lucid Afterlife, c'est quand même une chanson qu'on aime beaucoup. Exactement, et oh, est géniale. Et oh, est vraiment géniale, elle mérite le top 1 anglophone cette semaine, donc on va quand même la faire jouer. Oui, et je l'ai là. Et non seulement elle vaut la peine qu'on la joue correctement et qu'on se trompe pas de place ou d'affaire, ça vaut même la peine qu'on remette le première position, puis qu'on se la farme. OK. C'est pas pire, ça? Je trouve que c'est une bonne idée. Voici donc votre numéro 1 anglophone sur C'est vous et 80-20. Première position. Lesson of a lifetime. Management. Finally, that final exam is handed in. Hourglass flipping, the lessons branded in. The final note played on the mandolin. Body returns, a guest, a quest forever burn. Unless within the urn, earn wages by work. Never wait for a turn. The wheel, fortune tuned for the show. And hold what you learn. Throw it in the pan, yeah, till you understand. Point of the circle, drop the dress rehearsal. Shakespeare's dead, but I'm born again. Just another scholar to rope until I reach perfection. Ayo, ayo, ayo, said you gotta let it fly away. Ayo, ayo, ayo, we're meant to see another day. Yeah. My path is imagine where blackness has been a casket beneath the planet or mattress. If you could handle it, plan to get where we're going. Overflowing river Styx, I ride the Sphinx to Osiris. The mileage isn't worth the risk. You can greet me at the pathway or sleep and meet me halfway. Tickets can be as cheap as you want them to be. Practically free, believe in the spirits that you learn to see. Beneath all the fear, just learn to breathe. It's only as easy as you let it be. Now sleep, release all of your energy and come with me. You gotta let it fly away. That's how we grew. première position des palmarès C'est fou pour la semaine du 18 au 24 janvier 2016. On vient entendre comme numéro 1 anglophone Lucid Afterlife avec l'extrait EO sur l'album I Am qui monte d'une place qu'elle a depuis 7 semaines. Et du côté francophone, eh bien, c'était Dans la neige de l'artiste Loski qui était notre numéro 1 cette semaine. Félicitations à vous! Bravo! Oui. C'est tout pour les palmarès C'est fou cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct les mardis entre 15h et 18h. Après nous, à 19h, ce sera Réanimation, émission de métal et d'horreur. On repasse les vendredis entre 17h et 20h. Après nous, restez là pour Skypunk avec du punk rock. Et finalement, les dimanches, entre midi et 15h. Après nous, c'est pas le reste du monde, en rappel. C'est.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Merci, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. On se retrouve à Assemblage Requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. Et moi, je vous retrouve au Mathieu Plante Show les mercredis entre 15h et 17h. On se quitte avec une pièce qu'on a sautée précédemment, c'est-à-dire la position numéro 14 qui est par Muslim. C'est la pièce I Always Get What I Want. Passez une excellente semaine. Et à mardi bientôt. Prochain. Retour aux étiques.